C'est Henri Salvador qui a la rude tâche d'être le premier rock and roller français sous le nom d'artiste d'Henri Cording. En quelques grimaces de Salvador, quelques coups de plume de Michel Legrand et de Boris Vian sont lancés de petites merveilles d'humour sur micro-sillons, comme ce Rock and Roll Mops. Ce disque, qui au départ est un canular, se vendra tout de même à 10 000 exemplaires dans les 15 jours qui suivront sa sortie. Salut les 60, bienvenue sur Radio Gémozo, bienvenue dans la musique des 60s. Everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. I am his sweet patootie and he is my loving man. Knows how to do his duty, loves me like no other can. That's why everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Nobody but me. Baby don't love nobody but me, nobody but me. Everybody wants my baby, but my baby don't want nobody but me. That's plain to see. Now when my baby kisses me up and my rosy cheeks, I just let those kisses be, don't wash my face for weeks. That's why everybody loves my baby, but my baby don't love nobody but me. Sur Radio Guémozo, les bons moments ont toujours une musique. Mon histoire est une histoire comme on en voit tous les jours. On croit pouvoir s'aimer pour la vie. Ce que l'on a cru un jour, on veut y croire pour toujours. Mais déjà, on se perd dans la nuit. Je l'aime. Je l'aime. Quand je lui disais qu'un jour il faudrait bien se quitter, elle semblait se détourner de moi. Pourtant elle cachait ses yeux dans ses cheveux pour pleurer. Je cherche encore à savoir pourquoi. Je l'aime. Je l'aime. Je ne l'oublie. Jamais je la cherche dans les rues comme un fou. Je crois entendre sa voix et il me semble la trouver partout. Les défaites de la vie marquent un garçon pour longtemps. Le saura-t-elle quand je serai mort? Je l'aime. Je des Girls des Beatles. À l'instant, c'était Johnny Hallyday. D'ici à 16h, vous pourrez retrouver nos trois matchs. Vous connaissez le principe. L'adaptation est opposée à la version originale et c'est à vous de choisir la version que vous préférez au 03 29 62 40 40. Nous évoquerons également le hit parade de février 1967. Notre coin du spécialiste sera consacré aujourd'hui aux Everly Brothers, un duo qui a influencé pas mal de chanteurs. Si vous avez décidé de rester en notre compagnie, eh bien merci de nous accompagner. Excellente après-midi sur Radio Guémozo. 1956. Pour la première fois, des médecins français testent un cœur artificiel et le professeur Salk, grâce à son vaccin, pense supprimer la poliomyélite en 3 ans. En URSS, un Khrouchtchev omniprésent procède à la déstalinisation. En Hongrie, le peuple se soulève contre l'Union soviétique. Les écrans offrent à nos yeux émerveillés Marilyn dans Bus Stop. Le dernier James Dean posthume, géant. Et Baby Doll. Il portait des culottes, des bottes de moto. Jacques Anquetil, jeune champion pressé, bat le record du monde de l'heure. Et les Anglais battent le record de vitesse en avion supersonique. En effeuillant la marguerite et censuré. Alors, raconte. Françoise Arnoux épouse Georges Craven. Homo garantit la chemise la plus propre du monde. Et le tennisman Ken Rosewall enflamme les cours. Jackie Wilson, Ruth Petit. Le titre qui va suivre sur Radio Gemozo nous oblige à faire un petit point d'histoire. Si les Rolling Stones, les Animals, les Kings et autres groupes anglais ont subi l'influence de Bo Diddley, les Beatles, quant à eux, l'ont été, mais par Chuck Berry. La preuve, la voici. Play. Roll over, Beethoven, gotta hear. Love Beethoven. Après les Beatles, un autre groupe français, celui-là, les Chaussettes Noires. Une chanteuse, Gillian Hills. Un titre, c'est bien mieux comme ça. Le tout est extrait de la bande originale du film Les Parisiennes, sorti début 62. Merci à vous de nous écouter. Excellent après-midi sur Radio Gamozo. De la haine, parfois de la joie. J'ai le front brûlant de fièvre quand je pense à toi. Toi, toi, toi. Moi je ne veux pas aimer. C'est bien mieux comme ça. Je ne veux pas être enchaîné. C'est bien mieux comme ça. J'aime bien trop ma liberté. Si t'as peur de l'amour, vivons tout le jour. C'est bien mieux. Oui, oui, je prends la vie comme elle vient. C'est bien mieux comme ça. Je prends mes joies à pleine main. C'est bien mieux comme ça. Car ma jeunesse est mon seul bien. Il faut en profiter là. C'est un danger. Toi, tu ne sais pas combien je me sens triste quand tu n'es pas là. Viens, joue contre moi. Et comme à moi, dis-moi que tu m'aimes. Oublie donc ce rêve insensé. C'est bien mieux comme ça. Ne te traîne pas à mes pieds. C'est bien mieux comme ça. Je suis libre et veux le rester. À quoi bon assister? Pourquoi t'approcher? Elle ne veut pas l'aimer. Je suis libre et veux le rester. À quoi bon insister? Pourquoi t'approcher? Elle ne veut pas t'aimer. À 16 ans, premier prix du Conservatoire de Paris en saxophone, Romuald, puisque c'est de lui qu'il s'agit, rêve d'enregistrer depuis 1960. Lucien Maurice, alors directeur des programmes sur Europe numéro 1, lui donne sa chance en le faisant signer chez AZ. En 1964, c'est le succès avec Ma plus belle année. Au printemps de cette année 64, Jacques Brel est numéro 1 des ventes avec Les Bonbons et Jean-Jacques Debout remporte le concours de la Rose d'Or avec Nos doigts se sont croisés. Quand j'avais 17 ans, c'était ma plus belle année. C'était ma plus belle année. Les filles gardaient leur premier baiser pour un soir d'été sous un ciel tremblant. Quand j'avais 17 ans, on se fait court. Dès que l'automne est venu, et quand je pense à la vie que j'ai connue, j'ai le cœur perdu, j'ai le cœur noyé. Vous pouvez nous écrire à Radio Guémozo, 8 place de l'Hôtel de Ville, à 88 200 Saint-Étienne-lès-Remiremont, ou nous téléphoner au 03 29 62 40 40. Papa, prendre un tambour pour aller annoncer que tu m'as fait la cour et que ça a marché. Car si tu ne dis rien de ce qui s'est passé, peut-être que demain je recommencerai. Si mon cœur que tu as fait le tour de mes petits secrets. Tout ce que je t'ai dit pour te faire plaisir, quelqu'un me l'avait dit pour me faire plaisir. M'en veux pas. Françoise Hardy va pas prendre un tambour. Sur Radio Guémozo, la musique s'écoute en deux versions. D'abord la version française avec Richard Anthony Fishlecorn Jake. Vraiment, je n'aime pas que tu me parles comme ça. Ne me dis plus un mot ou je pars au triple galop. Bye bye, Fish the Corn Jack. Et ne reviens plus jamais, jamais, jamais, jamais. Fish the Corn Jack. Et ne reviens plus jamais. Qu'est-ce que c'est? Fish the Corn Jack. Et ne reviens plus jamais, jamais, jamais, jamais. Fish the Corn Jack. Et ne reviens plus jamais.

Tandis que Bang Bang, son film sort sur les écrans parisiens, l'heure de la sortie se classe à la 23e place du hit parade de février 1967. Sur Radio Gemozo, c'est chez là que l'on retrouve. Nous sommes un groupe, une petite troupe, d'amis fidèles qui nous entendons bien. Des secrétaires, des couturières et des vendeurs dans les grands magasins. Mais que l'on soit photographe ou mannequin, on est tous d'accord sur un point. L'heure de la sortie, tout au long de l'année, l'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. La journée, on n'est qu'une idée, aller se promener. Mais quel dommage que d'être en cage lorsqu'on aperçoit le soleil dehors et qu'il faut finir le travail d'abord. On doit vraiment faire un effort. La belle sortie, toujours en année. La belle sortie, c'est le meilleur moment de la journée. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. Cheveux courts et costume cravate, il s'est même laissé pousser la moustache comme les Beatles. En ce mois de février 1967, Antoine s'offre un nouveau look et un nouvel album sur lequel figure « Je l'appelle Canel », titre qui rentre directement à la 11e place du hit parade. Son corps est bronzé. Je l'appelle Cannelle parce que ses cheveux sont dorés. Je l'appelle Cannelle parce

pleure son ombre, sa tendre épouse, son ami, qui repose sur les décombres, prisonnière en terre ennemie. Sur une épine de barbelé, le papillon guette la rose. Les gens sont si écervelés qu'ils me répudieront si j'ose. Requiem pour les 6 millions d'âmes qui n'ont pas leur mausolée de marbre et qui, malgré le sable infâme, ont fait pousser 6 millions d'arbres. Inch'Allah. Il est 9e, Adamo, Inch'Allah. Après ses triomphes à l'Olympia et à l'ancienne Belgique, Claude François cartonne dans les hits parades. En ce mois de février 1967, sur le banc 21, son dernier titre se classe à la 3e place du hit parade. Quand je t'ai quitté la nuit dernière, dormait, marchant dans la rue, triste et solitaire, tout seul je baillais. Sur le banc 21, métro République, je me suis allongé. Je voulais seulement qu'on me laisse tranquille. Sylvie Vartan accompagne Johnny Hallyday qui effectue une tournée triomphale en Amérique du Sud, ce qui n'empêche pas la reine du yéyé de s'emparer en ce mois de février 1967 de la première place du hit parade avec Par amour, par pitié. Jette pas un vieux jean usé, on recolle un livre abîmé, on regarde une photos ratées et on pleure sur une fleur séchée. Par amour ou par pitié, oh, par amour ou par pitié. She's a gal for me. She got plenty of rhythm, got plenty of jive. And when we dance, I really come alive. My love for her is so tender and sweet. My heart starts pounding every time we meet. A bebop, baby, still in her teeth. Just as sweet as she can be. A bebop, baby, in her old blue jeans. It's a bebop, baby, for me. A bebop, baby, for me. Baby, she's a gal for me. I'm gonna find her tonight, we're gonna have a time. I want the baby to be mine, mine. A big day's coming for my baby and me. The day she says she belongs to me. A bebop baby, still in her teens, just as sweet as she can be. A bebop baby in her old blue jeans. It's the bebop baby for me. A bebop baby for me. A bebop, baby, a bebop, baby, a bebop, baby, she's a gal for me. She got plenty of rhythm, got plenty of jive, and when we dance, I really come alive. My love for her is so tender and sweet. My heart starts pounding every time we meet. A bebop, baby, still in her teens, just as sweet as she can be. A bebop, baby, in her old blue jeans. It's a bebop, baby, for me. A bebop, baby, for me. A bebop, baby, for me. Ricky Nelson, Bebop Baby. Dick Rivers s'appelle en fait Hervé Fournury. C'est à Nice que Dick est né le 24 avril 1945. Son père, qui était boucher, veut en faire un médecin tout à fait respectable. Mais Hervé ne rêve que d'Elvis Presley. C'est d'ailleurs dans le film Loving You que Presley, apprenti chanteur, s'appelle Dick Rivers. La suite, vous l'imaginez aisément. Avec l'aide de quatre copains, Hervé, devenu Dick Rivers, forme un groupe. Leur premier 45 tours sort le 12 mai 1961 et la grande aventure des chats sauvages commence. Oh là tes yeux du soleil et nous deux, la chance que l'on a, c'est d'être toi et moi. Puisqu'on n'a rien à faire et qu'on est au mois de mai, qu'on ne peut jamais savoir de quoi demain peut être fait. Allons l'amour, allons l'amour, allons l'amour et rendez-vous demain. Encore ici, je t'aime. Et puisque ça t'accroche et qu'à moi ça me plaît, et qu'on a l'impression que ça peut durer à tout jamais. Allons l'amour, allons l'amour, allons l'amour malgré le temps demain. Retrouvons-nous quand même. Oh, ouais. Stop les gars. Oh là ce soir, il fait froid, il fait noir. Regarde, quand il pleut, rentrez les amoureux. J'aime ce toit de chaume, accueillir une eau de corne. J'aime m'entendre sous la pluie, danser les désirs de la vie. Allons l'amour, allons l'amour, allons l'amour, fermons les yeux tous deux. Jusqu'à demain, on rêve. Pendant que l'on passe notre temps à aimer, dans la vie rien de fâcheux ne peut vraiment nous arriver. Allons l'amour, allons l'amour, allons l'amour, le feu est vert là-bas, un beau soleil, je l'aime. F, L, A, S, H, B, A, C, K, flashback. Viens avec moi, la journée est finie. Magasin, bureau vont fermer très bientôt. Pour oublier tout.

my fitted jeans, cause my rock and roll baby coming on the scene. Shuffle to the left, the shuffle to the right, gonna rock and roll to the early, early night. I'm ready, ready, ready, ready, I'm ready, ready, ready, ready, I'm ready, ready, ready, ready, I'm ready, ready, ready, ready to rock and roll. Salut les 60 sur Radio Guémozo, la légende en musique. L'Amérique. En cet été 66, Eddie Mitchell est toujours fidèle au studio Opi et au Randall All-Star. Mais l'on sent que le bougre est sacrément attiré par la soul music de Joe Tex et Wilson Pickett. Mais dans l'immédiat, c'est J'ai oublié de l'oublier que nous allons retrouver une balade lente et mélancolique à souhait. merci de votre choix. Permettez-moi de vous présenter Paulette, la reine des Paupiettes et les Charlots, un groupe humoristique des années 60. On a parlé d'amour et de violette, mais jamais d'amour et de paupiette. Pourtant je connais à Barcelone un hidalgo qui chante à sa bonne. Tous les jours à l'heure du dîner, ce chant d'amour vient gratiner. Paulette, Paulette, tu me tiens grâce à tes paupiettes. Notre amour ne serait pas si beau si je n'aimais pas les paupiettes. Tes paupiettes de Paulette, Paulette, tu es la reine des paupiettes. On a chanté les midinettes, on n'a pas chanté les paupiettes. Pourtant je connais Place Wagram, un hidalgo qui chante à sa femme. Le soir à rentrant de l'usine, ce chant d'amour dans sa cuisine. Paulette, Paulette, tu me tiens grâce à tes paupiettes. Notre amour ne serait pas si beau si je n'aimais pas les paupiettes. Les paupiettes de haut. Paulette, Paulette, tu es la reine des paupiettes. Notre amour ne serait pas si beau si je n'aimais pas les paupiettes. Les paupiettes de vos Paulette, Paulette, tu es la reine des paupiettes. Olé! Dans trois petites minutes, juste après Michel Thor d'Andy, Philédon, les Everly Brothers, ce seront les invités du coin du spécialiste. Un moment d'émotion intense sur Radio Gémozo. Dandy, Dandy, ouais. Tu aimes trop les filles, toutes les nuits qui courent. Tu passes ta vie à faire tous les dresseurs, souvent après minuit. Tu cherches encore. Des ravages parmi tous les dandies, tu sais très bien y faire. Je regarde toutes ces filles, c'est toi qu'elle préfère. Oh dandy, dandy, oui. Vraiment je m'excuse, mais moi tu m'amuses. Quand tu fais le beau, je vois tous tes défauts. Je te vois dans 30 ans, toujours dandy. Dandy, tu ne pourras pas échapper, non, Dandy, à ton présent, à ton passé, tu n'auras plus tous tes amis pour t'admirer, tu seras vieux et tes cheveux seront devenus tout blancs, tu n'auras plus comme à 20 ans un air aussi brillant. Oh, Dandy, Dandy, dis-toi qu'une fille qui brille, mais quand il y en a trop, c'est un mauvais cadeau. On ne vit qu'une fois. Oh dandy, fais ton choix. Ouais. Fais ton choix. Fais ton choix. Salut les 60, des souvenirs plein la tête sur Radio Gémozo. Le 1er février 1937, Margaret donne le jour à un garçon, Isaac Donald Everly, qui a les cheveux bruns de sa mère. La famille va donc s'agrandir le 19 janvier 1939 avec l'arrivée d'un petit blondinet, Philippe Avery. En 1955, 3 minutes d'une musique nouvelle et trépidante au générique du film Graines de violence vont transformer l'environnement morose de toute une génération. Le rock'n'roll est là. 1955, c'est précisément l'année que les Everly Brothers se choisissent pour débarquer à Nashville. Mots de recommandation en poche et guitare sur l'épaule. Filez donc rencontre Chet Atkins dans les bureaux de RCA et signe un contrat avec la maison de disques. Le 9 novembre 1955, en 20 minutes et une seule prise, ils enregistreront 4 titres country et sortiront leur premier 45 tours. Ce premier 45 tours des Everly Brothers se passa complètement inaperçu et leur brillante carrière faillit s'arrêter ce 9 novembre 1955. Après 2 années de galère à Nashville, les Everly Brothers, sur le point de tout laisser tomber, acceptent néanmoins un ultime rendez-vous avec Wesley Rose, patron de la plus grande maison d'édition de Music City. Cette démarche de la dernière chance allait d'un seul coup propulser au rang de vedette deux jeunes country boys inexpérimentés, les Everly Brothers. Après avoir le 21 février 1957 signé un contrat de 3 ans avec Cadence Records, Phil Edon enregistre Bye Bye Love avec Chick Atkins à la guitare. Puis ce sera la sortie de Wake Up Little Susie. Après Bye Bye Love, la petite Susie leur apporte un deuxième disque d'or et la gloire. Puis ce sera Dream, le saut le plus dévastateur depuis Love Me Tender. En tout, 7 disques d'or récompenseront le duo le plus fabuleux du rock. On leur doit tout, c'est Bob Dylan qui l'affirme, et Chuck Berry d'ajouter « Je ne suis pas sûr qu'Elvis soit meilleur », c'est leur conclusion et ça sera également la nôtre. There goes my baby with someone new. She sure looks happy, I sure am blue. She was my baby till he stepped in. Goodbye to romance that might have been. Bye-bye, my love, goodbye. I'm through with romance, I'm through with love, I'm through with counting the stars above. And here's the reason that I'm so free. My loving baby is through with me. Squeeze her to death, Claudette. Pretty little bag, Claudette. Never made me pray for death. But she's the prettiest little girl that I've ever met. I get the best of love and I'll ever get from Paul Dead. Pretty little bad Paul Dead. Oh, oh, Paul Dead. Well, I'm a lucky man, my baby treats me fine. She's gonna let me hug and kiss and hold her tight. When the day is over and we're at her front door, and when I kiss her goodnight, I'll holler more, more, more, Paul Dead. Pretty little bad Paul Dead. Never made me pray for that. But she's the greatest little girl that I've ever met. I get the best love and that I'll ever get from Claudette. Oh, pretty little bad Claudette. Oh, oh, Claudette. When me and my new baby have a date of three, I'm gonna ask my baby if she'll marry me. I'm gonna be so happy for the rest of my life when my brand new baby is my brand new wife. Claudette, pretty little bad Claudette, never made me fret Claudette, but she's the greatest little girl that I've ever met. I get the best love and that I'll ever get from Claudette, pretty little bad Claudette. Oh, oh. Avec Gérard, c'est rockement bon. Bebop-a-doodle, she's my baby. Bebop-a-doodle, I don't mean maybe. Bebop-a-doodle, she's my baby. Bebop-a-doodle, I don't mean maybe. Bebop-a-doodle, she's my baby. My baby, da, my baby, da. She's a woman in red blue jeans. She's a woman that's a queen of the teens. She's the one, a woman that I know. She's a woman that loves me so. Bebop-a-doodle, she's my baby. Bebop-a-doodle, I don't mean baby. Bebop-a-doodle, she be baby. My baby da, my baby da, my baby da. Got that beat, and she's a woman with the flying feet. She's the one, a woman that I know. She's a woman that loves me so. Bebop-a-doodle, she's my baby. Bebop-a-doodle, I don't mean baby. Bebop-a-doodle, she's my baby, da, my baby, da, my baby, da. Taste your lips of wine anytime, night or day.

so sad to watch good love go bad. So sad to watch good love go bad. Wake up, little Susie, wake up. Wake up, little Susie, wake up. Your mama, what are we gonna tell your papa? What are we gonna tell our friends when they say, ooh la la, wake up, pretty Susie, wake up, pretty Susie? Well, I told your mama that you'd be in by 10. Well, Susie, baby, looks like we goofed again. Wake up, pretty Susie, wake up, pretty Susie. We gotta go home. Wake up, little Susie, wake up. Wake up, little Susie, wake up. The movie wasn't so hot, it didn't have much of a plot. We fell asleep by Goose's book, our reputation he shot. Wake up, little Susie, wake up, little Susie. What are we gonna tell your mama? What are we gonna tell your pop? What are we gonna tell our friends when they say, ooh la la, wake up, little Susie, wake up, little Susie, wake up, little Susie. Ne quittez pas la musique, continue. Restez branchés. Un petit éléphant Ce n'est pas méchant, j'ai mon excuse. Mais ta démarche est vraiment celle d'un tout petit, petit éléphant. Et non, mais perdant à tous les âges, quand il ne sait pas twister comme ça, mon petit éléphant. Et même s'il prétend être à la page, sitôt qu'il danse, il a l'air d'un petit, tout petit, petit, petit, petit, petit éléphant. Ce n'est pas pourtant bien difficile. Tiens, regarde-moi et remue-toi, mon petit éléphant. Suis bien mes mouvements et sois docile. Laisse-toi conduire comme l'éléphant, le tout petit, tout petit, petit, petit, petit, petit éléphant. On dit que l'éléphant parfois ça trempe, mais toi tu seras toujours à moi, mon petit éléphant. Mon cœur en dansant va à tout rompre. Je suis sans défense auprès de toi, mon tout petit, petit, petit, petit, petit éléphant. Mon petit éléphant que j'aime tant. Mon petit, petit, petit, petit, petit éléphant. Dalida, le petit éléphant twist, des paroles sympas sur la musique du film Atari dont John Way est la vedette principale. Allez, le tout c'était en 1962. Sur Radio Gamozo, la légende s'écoute en deux versions avec... pour la version française, Franck Alamo, Daddy Run Run. Quand l'amour s'en va, Dieu tout est fini. Daddy Run Run Run, Daddy Run Run. Ne pleurez pas, laissez tomber, tant pis. Daddy Run Run Run, Daddy Run Run. Oui, mon amour est mort. La version française, la version originale avec les cristals. Troisième et dernier match, mais aussi troisième et dernier choix pour vous sur Radio Gamozo. Run. 1961. Jacques Anquetil gagne avec brio et bien coiffé son deuxième Tour de France. Les Américains lancent le plus grand porte-avions nucléaire, l'Enterprise. Les Français découvrent la toute petite voiture anglaise, la Mini. La machine à écrire IBM existe dans tous les parfums. Sophia Loren et Jean-Paul Belmondo interprètent la Ciociara de Vittorio De Sica. L'idole des blousons noirs, Vince Taylor, se trémousse avec talent et en anglais. Le directeur sans même le savoir. Le coiffeur Alexandre invente la mise en pli sans rouleau. Audrey Hepburn prend son petit déjeuner chez Tiffany's. Et tout en chignonné, Anna Karina épouse le prince de la nouvelle vague, Jean-Luc Godard. En Algérie, l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, voit le jour. Et le nordique, Dagmar Marshall, le secrétaire général de l'ONU, meurt dans un accident d'avion. Sur les traces du Matin des Magiciens, Louis Powell lance le premier numéro de Planète. Et démonstration est faite par Guy Péria que la position dite de l'œuf est la plus performante esquie pour la recherche de vitesse. CQFD. I'm a U.S. male, as I was born in a Mississippi town on a Sunday morning. Now, Mississippi just happens to occupy a place in the southeastern portion of this here United States. Now, that's a matter of fact, buddy, and you know it well. So I just call myself the U.S. male. That's M-A-L-E, son. That's me. Now, I said all that to say all this. I've been watching the way you've been watching my miss. For the last 3 weeks, you've been hot on her trail. You kind of upset this U.S. mayor. You touch her once with your greasy hands. I'm gonna stretch your neck like a long rubber band. She's wearing a ring that I bought her on sale. That makes her the property of this U.S. mayor. You better not mess with the U.S. mayor, my friend. The U.S. mayor gets mad. He's gonna do son, you better find somebody else, son. Don't tamper with the property of the U.S. mayor. The U.S. mail is on his toes. So quit watching my woman, but that ain't wise. You ain't pulling no wool over this boy's eyes. I catch you around my woman, champ. I'm gonna leave your head about the shape of a stamp. Kind of flattened out, so you'll do well to quit playing games with this U.S. mail. Better not mess with the U.S. mail, my friend. The U.S. mail gets mad, he's gonna do you in. son, you know if I'm somebody else, son. Don't tamper with the property, the U.S. Mail. Suck it to me one time. I'm gonna tell it like it is, son. I catch you messing around that woman of mine. I'm gonna lay one on you. Elvis Presley, US Mail, toujours la gratte, toujours avec Jerry Weed, le maître incontesté de la country. Raymond, Anne, Hélène et Anne-Marie, les parisiennes, vous donnent un excellent conseil. Si, si. Si vous voulez vous débarrasser d'un représentant un peu trop envahissant, eh bien, dites-lui tout simplement de repasser le 30 février. On n'est pas contre le négoce, mais quand débarque un vendeur d'aspirateur ou des tapis brosses qui sonne la bouche en cœur, prenant notre air le plus suave, notre air le plus innocent, chaque fois on répond simplement. Repassez plutôt le 30 février, le 30 février, le 30 février, mais avant, avant, le 30 février. Ce n'est pas la peine d'y penser. Nous on n'est pas contre le mariage, mais on n'a pas dans le sang la vocation de femme de ménage, ni celle de bonne d'enfant. À ceux qui cherchent une perle pour faire des économies, on sourit gentiment et l'on dit. Retracez plutôt le 30 février, le 30 février, le 30 février, mais avant, avant, le 30 février, ce n'est pas la peine d'y penser. Monsieur Dupont est jeune et timide, mais il a de l'ambition. Il tremble un peu et puis il se décide et frappe chez le patron. Il parle de la vie chère, demande une augmentation. Le patron aussitôt l'interrompt. Repassez plutôt le 30 février, le 30 février, le 30 février. Mais avant, avant, le 30 février, ce n'est pas la peine d'y penser. Vraiment pratique, et si l'on réfléchit bien, on s'aperçoit que c'est une réplique dont on a souvent besoin pour tous les intarissables, les barbes, les casse-pieds et même les candidats députés. Laisse-moi rêver bientôt les vacances et l'été qui recommence, du soleil, du ciel bleu, la joie d'être deux. Laisse-moi rêver bientôt les vacances, il est temps et j'y pense, mai et juin et ça y est, revoilà l'été. Je connais l'endroit où nous irons chez notre amour, dans un petit coin où il fait bon, dès que reviennent les beaux jours. Laisse-moi rêver bientôt d'une plage sous un ciel sans nuages, de la mer à nos pieds qui vient nous bercer. Ouais. Je connais l'endroit où nous irons pour cacher notre amour. dans un petit coin où il fait bon. Dès que reviennent les beaux jours, laisse-moi rêver bientôt les vacances. Plus ça va, plus j'y pense. Ouais, partout va briller le soleil d'été. Laisse-moi rêver bientôt les vacances sur ma chanson. Quelle chance du printemps vers l'été. C'est bientôt les vacances. C'est bientôt les vacances. C'est bientôt, quelle chance. Et quant à vous, eh bien, n'oubliez pas notre rendez-vous hebdomadaire le lundi à partir de 15h et le dimanche dès 10h pour la rediffusion de l'émission. Notez également notre adresse internet radiogemozo.eu, le tout en minuscules et sans accent. Excellente fin de journée, excellente semaine sur Radio Gemozo. Merci de nous avoir tenu compagnie. Ne crois pas en vos livres, vos conseils ne veulent rien dire. Il est grand et il veut vivre, il veut vivre sa vie. Chaque soir vous l'attendez, qu'as-tu fait, où veux-tu aller, à quoi bon l'abandonner. Il est jeune, il veut rêver, oh, il veut rêver, pour apprendre le verbe aimer. Apporter tout l'amour qu'il peut donner, et c'est lui sa liberté, rien ne pourra l'arrêter. À son âge, je crois comprendre que l'amour est un jeu tendre, il veut vivre sa vie. Sombrer dans l'oubli, vivre sa vie, ne pas tomber dans l'ennui. Vous savez maintenant qu'il est devenu grand, et qu'alors aimer en lui, ce désir d'aimer la vie, il veut vivre sa vie. Qui me donne envie de lancer un cri, de chanter, de danser, chanter comme un cabri, chanter comme un cabri, de lancer un cri, un long cri. Envie de crier, yeah, yeah, yeah, yeah. Alors, dis-le. Ah, vas-y, vas-y. Ah, dis-le, oui. Oh, viens, dépêche-toi. De moi, que tu n'aimes que moi, que tu pleures que pour moi, viens me dire tout ça, viens me dire tout ça, tout bas, tout bas. Je me rappelle qu'à 9 ans, je n'aimais que toi, yeah, yeah, yeah, yeah. J'étais fou de tes longs, de tes longs cheveux. Oh, maintenant que t'es grand, tu ne veux plus de moi, yeah, yeah. Mais sache que mon amour, que moi je t'aime depuis toujours. Hey, hey, hey. Tu étais si gentil, hey, hey, hey. Que j'aurais voulu pour toi. Ah, si tu ne me quittas jamais, que personne d'autre je n'aimerais. Hey, je veux que tu saches tout ça. Hey, hey, hey. Qu'à la seconde que je te vois, hey, hey, hey. J'ai envie de danser un cri, de chanter, de danser. Je décore ma copie, je décore ma copie. De lancer un cri, le cri, le cri. For the 602. Thank you.